vous savez tous exactement qui je suis. On s'est tôt perdu sur le chemin de l'école. On séchait pour faire des cons, on avait déjà pas le temps pour des connes. Y'avait plus de textes que de cours dans mon cahier. À 13 ans dans le Val-Fourré, je rêvais déjà de tenir la cahier. Comment être paresseux quand y'a un four en bas de la maison? La banlieue parisienne, c'est par ici les vraies transactions. Les packs, les trahisons, les réseaux, les têtes qui t'essaut. Train de vie oppressante, je peux pas monter sans descendre, tu sais. Si tu t'es dans la rue et te faire un nom dans ce game, surtout depuis que j'en cavale et que la crime est venue pour me claquer. Mais ma devise, tu connais, marche arrière mes Kane. Chez nous, on se rend pas. Ils montent Jack and beaucoup d'années, c'est quel bah avec qui je traîne. Que des bons vœux valeureux que la hure a eu. Posé par la selle, dans le fond, on est tous des malheureux. Si je perds des calories, c'est parce que tout ce que je vis, c'est le contraire de gonnerie. Y'a pas de code, c'est des conneries. Dehors, c'est la monnaie connerie. T'as bondi, mec, si tu crois me la mettre, tu vas pas traîner. Hemi, mec, on fait pas la même guerre, moi je vais te faire comme un crimé. Continue, c'est pas que pour toi, mes petits veulent risquer de cantiner. Je m'en bats les couilles des places, des équipes ramènent même à le patino. Nous, on veut se retirer de la rue, eux, ils ont faim de prouver c'est con. Mais c'est que tu dans la vraie, c'est cru et que même les plus rusés succombent, c'est triste et réel. Tu vois pas ce que je veux dire, c'est que tu vois pas l'horizon. Y'a pas de code ni de religion, c'est la mort ou la prison. Ils ont pété la porte, assise du mat, les porcs, ils m'ont pavé trou. Ils ont touché le daron, j'ai le mort à réveiller un mort. Et j'aurais déjà serré depuis sans mon moral en béton. Mais depuis, je dois me faire la malle, même gavé, j'aurais mal à la vie. Je me prends la tête, je roule un pet pour la détente. Dans le collimateur, dès qu'on détente, je m'arrête pas. Pour qu'écrou ma pièce, je me suis équipé du Beretta. Pas sentir ma peine, sans chipoter, c'est ma ninetta. Je me prends la tête, je roule un pet pour la détente. Dans le collimateur, dès qu'on détente, je m'arrête pas. Pour qu'écrou ma pièce, je me suis équipé du Beretta. Pas sentir ma peine, sans chipoter, c'est ma ninetta. Grillé comme ma tête, je vais skier encore la descente. Tout le monde se dissout en se baisant, pourtant hier on était en bleu sang. Réel dépasse la fiction, une rafale peut pas traiter. Je suis très loin du paradis, mais je suis comme toi, je veux pas le rater. Condamné par la tête haute, à l'affût des heures pétantes. Je rappe pour les vrais qu'envoie la fraîche. Coffret tant jaté, toi nos tapeurs qui détournent. Les tournées d'able et camtard de fret, c'est nous la rue en effet. Ils ont pété la porte, assise du mat, les porcs, ils m'ont pavé trou. Ils ont touché le daron, j'ai le mort à réveiller un mort. Et j'aurais déjà serré depuis sans mon moral en béton. Mais depuis je dois me faire la malle, même gavé j'aurais mal à la vie. Je me prends la tête, je roule un pet pour la détente. Dans le collimateur, dès qu'on détente, je m'arrête pas. Pour qu'écrou ma pièce, je me suis équipé du Beretta. Pas sentir ma peine, sans chipoter, c'est ma ninetta. Je me prends la tête, je roule un pet pour la détente. Dans le collimateur, dès qu'on détente, je m'arrête pas. Pour qu'écrou ma pièce, je me suis équipé du Beretta. Pas sentir ma peine sans chipoter, c'est ma ninetta. Ouais, tu prends il est temps. Pour qu'il court ma pièce, je me suis équipé du Beretta. Pas sentir ma peine sans chipoter.